ai tout donné, un vrai mensonge, une fausse vérité. Je lui ai tout donné, y'a que dans mon cœur qu'elle pourra vérifier. Je lui ai tout donné, donné la clé, mais certaines portes ne s'ouvrent plus. Je lui ai tout donné, sauf ma confiance étant donnée. Que j'ai pas soigné ma douleur, l'amour la base de mes doutes. J'aimerais voir d'autres couleurs, l'impression que tout est rose quand je t'écoute. C'est pas l'amour que tu voulais, que voulais-tu en couchant avec lui? Je les ai lus, je les ai su, les messages que t'envoyais chaque nuit. Je n'aurais pas la force de te pardonner. J'ai qu'une envie, c'est d'ôter ta vie ou la sienne par amour. Je n'aurais pas la force de te pardonner. J'ai qu'une envie. Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Tu disais que j'étais parano, mais t'as couché avec un autre. Je voulais que tu rejoignes mon trône. Je lui ai tout donné, un vrai mensonge, une fausse vérité. Je lui ai tout donné, y'a que dans mon cœur qu'elle pourra vérifier. Je lui ai tout donné, donné la clé, mais certaines portes ne s'ouvrent plus. Je lui ai tout donné, sauf ma confiance étant donnée. Con d'avoir pas vu qu'elle se consume, cette flamme que t'avais quand t'aimais. J'ai l'âme qui saigne sur le bitume, t'es mon bourreau et la seule qui peut me soigner. C'est pas cette femme que je voulais, en me souillant toi tu t'es souillé aussi. Je les ai lus, je les ai su, les messages que t'envoyais chaque nuit. Je n'aurais pas la force de te pardonner. J'ai qu'une envie, c'est d'ôter ta vie ou la sienne par amour. Je n'aurais pas la force de te pardonner. J'ai qu'une envie. Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Mon cœur est anéanti, entends-tu la mélodie des ténèbres? Tu disais que j'étais parano, mais t'as couché avec un autre. Quand tu touchais un autre homme, moi je cherchais ta balle, je voulais que tu rejoignes mon groupe.